Tout le monde et bienvenue à C'est fou 89.1 FM. On est ensemble pour la prochaine heure dans le cadre de l'émission En piste avec Tania Baudin. Vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin. Et aujourd'hui, j'ai goût de vous l'annoncer comme ça, en vraiment début d'émission. On pourrait pas être plus début d'émission que ça, mais c'est vraiment un spécial Grand Prix de Trois-Rivières cette semaine, parce que vous l'aurez bien deviné avec toutes les annonces et pour ceux qui connaissent très bien le monde de la course automobile, eh bien, c'est deux week-ends du Grand Prix de Trois-Rivières que nous avons encore cette année. Mais là, c'est le premier week-end et on commence vraiment à sentir cette espèce de d'effervescence là dans la ville. Ça commence à bouger beaucoup sur le terrain de l'exposition, là où il va y avoir justement l'événement. Alors aujourd'hui, spécial Grand Prix de Trois-Rivières, premier week-end, c'est-à-dire Rallycross. Et on a quand même pour vous un bon plan d'émission, quand même assez bien chargé aujourd'hui. On va avoir, entre autres, bien évidemment, un retour sur la dernière semaine. Vous le savez, pour ce qui est de la série NASCAR Pinty's, eh bien, ça coursait mercredi. Alors, on n'a pas vraiment eu la chance de pouvoir en discuter dans la dernière émission parce que, bien évidemment, on était en direct, mais avec la différence d'heure, ça faisait en sorte que les gars n'étaient pas nécessairement tout de suite en piste lorsque nous, on était en onde la semaine dernière ou pour ceux qui nous ont écoutés en rediffusion dimanche. Alors, pour ce qui est de cette série-là, eh bien, on va en parler un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Edmonton. On va aussi discuter de ce qui s'est passé du côté de la finale du championnat de l'Est du Canada, du côté du karting. C'était la finale du ECKC à Mosport en fin de semaine. Ça a bougé beaucoup de ce côté-là aussi. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait plusieurs pilotes qui étaient très, très, très serrés au classement général pour le moment. Alors maintenant que tout a été mis en ordre et que les courses sont terminé en quelque sorte pour le ECKC, eh bien, on a des résultats de saison pour vous. Alors, ça va être super papillotant. On va aussi revenir sur le Grand Prix de Trois-Rivières en 2015, le premier week-end qui avait lieu... qui avait eu lieu le deuxième week-end, en fait, l'année dernière. On se rappelle, en 2015, on avait débuté avec le week-end NASCAR et par la suite, on avait sauté sur le week-end Rallycross. Alors, cette année, on fait les choses différemment un petit peu du côté de l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières. On va commencer avec le Rallycross et par la suite, le deuxième week-end sera celui du NASCAR. Alors, on va discuter de tout ça un petit peu plus tard dans l'émission avec le directeur général, Dominique Fugère, qui va être avec nous vers les alentours de 2 heures. On va voir. Et on va aussi discuter avec le pilote québécois Andrew Ranger parce que oui, ça l'a sorti hier. J'étais un petit peu triste de pas avoir eu le punch, de pas avoir eu la nouvelle en premier dans mon émission. J'aurais aimé ça. Mais malheureusement, mon émission est le mercredi et non pas le mardi. Alors, Andrew Ranger sera de ceux qui feront partie de l'épreuve du RX Lite, le Rallycross Lite en fin de semaine. On se souvient, l'année dernière, il avait quand même très bien performé. Alors, on va discuter avec lui un petit peu plus tard dans l'émission. Et comme je vous le disais, et comme je vous le dis un petit peu à chaque semaine, on va avoir de la musique country parce que c'est un type de musique que j'aime beaucoup. Et cette semaine, on va peut-être même découvrir de nouvelles pièces, peut-être même de nouveaux artistes et bien évidemment entendre des classiques. Alors, bienvenue à En piste avec Tania Maudin. Ça commence dès maintenant. Ah, Ah oui, je vous l'avais dit aussi, la semaine dernière, on a fait ça comme ça. Laissez-moi voir aussi dans mes notes si j'avais fait ça de cette façon-là la semaine dernière. Mais oui, j'ai le goût de, comme ça, là, en début d'émission, de vous donner rien d'autre que de la bonne musique à vos oreilles. Parce que, comme je le dis souvent, on aime ça, entendre de la musique. Oui, c'est une heure où on va discuter de course automobile, mais lorsqu'on est accro à un type de musique, eh bien, on aime faire découvrir, que ce soit de nouvelles chansons ou de nouveaux artistes, à nos auditeurs. Alors ici à CIFU 89.1, dans ce qui est dans le cadre de l'émission En piste avec Tania Baudin, pour ceux qui savent peut-être pas encore, on fait jouer de la musique country, que ce soit américaine ou que ce soit canadienne. Et un des bons artistes country américains que l'on connaît quand même assez bien lorsqu'on connaît le monde du country, c'est Jake Owen. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est lui qui chantait Barefoot Blue Jeans Night. Et il se prépare à sortir un nouvel album qui s'appelle American Love. Alors j'ai le goût de vous faire entendre une de ses nouvelles pièces qui est LAX, c'est-à-dire l'aéroport de Los Angeles. Oui, vous aurez bien deviné. Alors voici Jake Owen et par la suite, eh bien, on va discuter de ce qui s'est passé durant la dernière semaine. On écoute ça. City of angels, city of stars, where she shine brightest on that Boulevard. She introduced me to Jackson Brown convertible, rode me all over that town. Oh, my LAX. She always carried a Polaroid camera. She always had that Kodak glamour. She moved out there to chase a dream, to be an actress on that silver screen. Champa and marijuana, I close my eyes and I can smell it on her. Boarding a plane back to Tennessee, I wonder if she's ever gonna think about me. But dear palm trees and palm readers, tattoo artists and make see her that I sure wish her all the best. Oh, my LAX. Oh, my LAX. LAX, Jake Owen. Je vous le disais, c'est un artiste qu'on connaît quand même assez bien dans le monde de la musique country, mais comme il sortait un nouvel album quand même très bientôt, je pense qu'il est même sorti à la grandeur d'Internet. Si vous allez voir sur YouTube, c'est quand même quelque chose qu'il a décidé de faire. On a tout simplement lancé toutes les nouvelles chansons directement sur Internet et sur iTunes. Alors, si jamais vous voulez voir tout ça, eh bien, allez faire un tour sur les réseaux sociaux de Jake Owen. Et c'est vraiment le temps là, de commencer l'émission En piste avec Tania Baudin. Comme ça, pour discuter de course automobile. Alors, on va tout de suite sauter à pieds joints dans le retour sur la dernière semaine. Je vous le disais tout à l'heure, ça coursait du côté de Saskatoon mercredi dernier. Et comme je vous le disais en début d'émission, eh bien, malheureusement, on n'avait pas nécessairement eu la chance de pouvoir vous dire quoi que ce soit en direct parce que, bien évidemment, il y avait le fameux jet lag qui nous empêchait de pouvoir savoir quoi que ce soit. Eh bien, sachez que c'est le plus jeune pilote dans la série qui a remporté l'épreuve. Caden Lapcevich a remporté sa première victoire la semaine dernière. C'est Andrew Ranger qui avait fait le temps de qualification le plus rapide avec un temps de 14 secondes 657. Mais vraiment, Caden Lapcevich a réussi à démontrer ce qu'il est capable de faire en course automobile. Lui qui est souvent coaché par son père, Jeff Lapcevich, un habitué aussi de la série NASCAR. Et de ce côté-là, on peut ressentir vraiment le bonheur de Caden Lapcevich, si jamais vous allez faire un tour sur certains sites Internet, entre autres le site Internet direct de la série. Vous allez pouvoir entendre une entrevue avec Caden Lapcevich. Et vraiment, on est très, très content d'arriver à notre première victoire. Et bien évidemment, on se retrouve à être le plus jeune gagnant dans cette fameuse série-là. Alors, félicitations, Caden Lapcevich. Le trifluvien Louis-Philippe Dumoulin a réussi à faire une deuxième position dans l'Ouest canadien pour une deuxième fois, parce que oui, si vous vous rappelez, tout juste avant ça, avant d'être à Saskatoon, je me suis trompée tout à l'heure, mais il était du côté d'Edmonton. Alors, il avait encore une fois fait une deuxième position. Alors, deux places pour Louis-Philippe Dumoulin. On est très content de voir ça, parce qu'on sait que le début de saison à Louis-Philippe allait peut-être être pas aussi bien qu'on l'espérait pour le pilote, mais on a vraiment réussi à démontrer qu'un vieux moteur réussit quand même à faire du très beau travail lorsqu'on arrive dans l'Ouest canadien, parce que on en avait discuté la semaine dernière, mais le moteur de Louis-Philippe Dumoulin est rendu à la... Je pense que là, ça serait la 7e épreuve où on a le moteur dans la voiture. Et en temps normal, un moteur de type NASCAR Pinty's, ça a une durée de vie approximative de 5 courses. Alors, Louis-Philippe Dumoulin qui est capable de démontrer que son moteur tient le coup et on est très, très content encore une fois de sa deuxième position du côté de Saskatoon. Et en troisième place, eh bien, c'est Alex Labbé qui lui aussi a réussi à démontrer ses talents comme ça sur Oval, parce qu'on sait ce sont trois pilotes, entre autres Caden Lapcevich et Alex Labbé, qui viennent directement des circuits Oval. Louis-Philippe Dumoulin est peut-être pas nécessairement autant habitué que ces deux jeunes pilotes-là. Par contre, Louis-Philippe Dumoulin en est à sa troisième saison complète dans la série NASCAR Pinty's. Alors, on commence vraiment à être habitué et à mettre des circuits ovales sous notre cravate pour ce qui est du trifluvien. Mais pour les deux autres pilotes qui ont fait le top 3, eh bien, félicitations à eux. Alex Labbé, qui avait peut-être pas eu, lui non plus, le début de saison qu'il espérait, entre autres, je pense à la grosse accident qu'il avait eu du côté de Toronto. Alors, on a réussi vraiment à remettre le bolide en un seul morceau et pouvoir performer quasiment au plus haut de notre forme, quasiment, parce que je suis persuadée que Alex Labbé, bien évidemment, voulait une première position, mais un top 3, c'est excellent. Alors, ça, c'est ce qui est de la série NASCAR Pinty's. Et comme je vous le disais, ils vont être la semaine prochaine ici à Trois-Rivières pour le deuxième week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais bien évidemment, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle du premier week-end, celui du rallycross. Alors, je vous disais aussi qu'il y avait eu la finale je vais pas dire la série, mais quasiment, le championnat de l'Est l'Est canadien en karting, c'est-à-dire le Eastern Canadian Karting Championship. Alors, le ECKC, appelons ça le ECKC, beaucoup moins long, beaucoup plus facile à retenir. Alors, de ce côté-là, il y en a plusieurs qui ont réussi à se démarquer, entre autres Thomas Neveu. On en a discuté la semaine dernière, c'est un pilote très, très, très focus, très bien coaché, et il domine quasiment à chaque épreuve où il sort en piste. Alors, bien évidemment, dans la catégorie Rotax Minimax, Thomas Neveu a remporté le championnat avec quand même une avance de 235 points sur Justin Arsenault. C'est beaucoup. Du côté de Rotax Max Junior, eh bien, la semaine dernière, je vous disais que Matthew Latifi était en avance sur Patrick Woodstock, Andrés Di Alba, Ryan McDermott. Eh bien, sachez que c'est Ryan McDermott qui a été nommé champion de la série cette année dans la catégorie Rotax Max Junior, à la suite vraiment de deux épreuves où il a très bien pu se démarquer. Il a gagné simplement avec une avance de 25 points. Alors, on voit déjà à quel point c'était très, très serré la semaine dernière avant de se rendre à l'une des dernières épreuves. Et du côté de Rotax Max Senior aussi, c'était Cédric Lupien qui dominait le championnat avant de se rendre à l'épreuve de Mosport. Eh bien, c'est Gianfranco Mazzaferro qui est couronné grand champion de la série cette année pour ce qui est de la catégorie Rotax Max Senior. Alors, lui aussi se voit remettre l'étiquette pour aller défendre son titre canadien dans la finale mondiale qui aura lieu en Italie un petit peu plus tard cette année. Et Cédric Lupien a terminé deuxième avec une différence de 52 points. Alors déjà la semaine dernière, je pense que les deux gars avaient une différence de 45 points. Là, cette semaine, on termine avec une différence de 52 points. Vous pouvez voir à quel point c'était très, très, très serré pour certains pilotes. Du côté de Rotax DD2, je me souviens, je vous avais discuté à quel point Jeffrey Kingsley est un pilote qui... Je sais même pas comment décrire ça. C'est un pilote qui a beaucoup de talent et qui est très, très constant dans tout ce qu'il va faire sur une piste. Alors, bien évidemment, dans la catégorie Rotax DD2, Jeffrey Kingsley a réussi, lui aussi, à prendre le championnat en main et se voir remettre le fameux ticket pour se rendre au championnat du monde. Par contre, Jeffrey Kingsley avait déjà gagné ce fameux ticket-là du côté des États-Unis cet hiver pour le Florida Winter Tour. Alors, l'étiquette a été remise à la personne qui a terminé en deuxième position, qui est Tyler Kushak. Les gars en Rotax DD2 avaient une différence de 235 points, mais comme Jeffrey Kingsley avait déjà reçu sa passe pour aller au championnat mondial, c'est comme un peu les Jeux olympiques du monde du karting, sachez-le. Eh bien, ça sera Tyler Kushak qui va être notre deuxième Canadien à pouvoir se rendre dans la catégorie Rotax DD2. Et il reste encore le championnat canadien à déterminer aussi qui va pouvoir se joindre à la fameuse équipe canadienne pour les finales mondiales. Du côté de Briggs & Stratton Senior, la semaine dernière, je vous discutais aussi, je vous disais à quel point c'est pas la même chose pour Briggs & Stratton Senior. Malheureusement, cette catégorie-là ne course pas au championnat mondial, mais ça reste une catégorie qui amène beaucoup, beaucoup de spectacles et je pense que c'est une des plus grandes catégories en termes de pilotes sur la piste. Si je me souviens bien, on est comme une trentaine de pilotes inscrits simplement dans cette catégorie-là. Alors, c'est Jeffrey Kingsley qui a remporté le championnat encore une fois devant Marco Signoretti. Attention, attention, avec une différence de 4 points. Oui, c'est ça. 4 points. C'est tellement pas beaucoup, ça a été super serré pour plusieurs pilotes. Je suis vraiment très contente de voir que pour plusieurs pilotes, ça s'est très bien passé. C'est la fin du championnat ici qui est ici pour plusieurs, pas pour plusieurs, en fait, pour tous ceux qui ont participé, bien évidemment, à ce fameux championnat-là durant la saison. J'ai comme l'impression qu'on termine le championnat plus tôt que l'année dernière, cette année. Je sais pas si c'est à cause de la nouvelle formule. Je vous en parlais un petit peu plus tôt dans la saison dans piste avec Tania Baudin, mais on a comme changé certaines formules qui font en sorte qu'on regroupe les courses beaucoup plus rapidement que, par exemple, l'année dernière. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a terminé fin juillet? Si je me souviens bien, l'année dernière, la dernière épreuve était comme à la fin août, début septembre. Et de ce côté-là, eh bien, on a tout simplement mis le championnat canadien cette année. Alors, le championnat canadien va être fin août, début septembre du côté de Mont-Tremblant. C'est un événement à voir si jamais vous avez la chance d'aller voir ça. Prenez le temps parce que c'est vraiment du haut calibre de course en karting. Et je vous disais aussi qu'on allait faire un bref retour sur le Grand Prix de Trois-Rivières en 2015 parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est le spécial Grand Prix de Trois-Rivières Rallycross. Alors, du côté de la grosse classe en Rallycross, rappelons-nous que c'était le Français Dave Janney qui avait remporté l'épreuve devant le Finlandais Thomas Häkkinen et l'Américain Tanner Fust. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tanner Fust... Oh. C'est un des plus beaux Américains au monde, premièrement. Et deuxièmement, c'est un acteur aussi, c'est un animateur américain. Et Top Gun. Top Gun, oui, c'est ça? Je me souviens plus. Mais me semble c'est ça le nom de l'émission qu'il anime. Alors, c'est Tanner Fust, Thomas Häkkinen et Dave Jenny qui avaient terminé sur le podium. Et on se rappelle aussi, bien évidemment, que le Québécois Andrew Ranger, Louis-Philippe Dumoulin et Patrick Carpentier avaient participé du côté de la RX Light. Comme je le disais, c'est un petit peu la classe... tout juste en dessous de la grosse classe de rallycross tout à l'heure. Alors, Andrew Ranger qui avait réussi à faire un podium en troisième position. Cette année, il revient. On va être un petit peu plus tard dans l'émission avec lui. On va pouvoir discuter de ses attentes à lui. Et aussi, est-ce qu'on revient avec la même équipe? Pour ceux qui ont suivi les nouvelles hier, vous allez déjà le savoir. Mais on va discuter avec lui un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, on va aller écouter du Luke Bryan avec une de ses nouvelles pièces qui s'appellent Move. Et au retour, on va discuter avec le directeur général Dominique Fugère. Alors, à tout à l'heure! Packed y'all up and moved you to the south. Back to U-Haul, across a one-tree yard to a tin-roof shotgun house. You didn't know nobody, didn't talk too much. Had a rockin' little body with a Yankee strut. A little shy side, a little wild side. With your long blonde hair all pulled up. You got in with some Southern bells. Cut your jeans off with a rebel yell. Learned the talk of the Bible Belt. Now, girl, I melt in you. M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do. All sexy and smooth like you love to. Oh, girl, look at you. Legs and your hips. Live oak moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky. It's like there's something in the air that turns you wild when a country song is way up loud and the sun goes down. Right about then you lock eyes on me. You got me where you want me, where I want to be. All up in the middle of your left and right, your side to side. Yeah, you're right on time when you M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do. All sexy and smooth like you love to. All the look at you. Legs and your hips. Live old moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky. Buzz of the fire and ice. DJ plays that throwback tune. And I can't move when you move. Let me talk to you. M-O-V-E. I love the way you love the way you feel the beat. C-O-M-E. I wanna move with you. Move de Luke Bryan. Je vous le disais, une pièce qui bouge, on adore ça, ce genre de pièce-là. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait discuter avec le directeur général Dominique Fugère tout de suite après cette pièce musicale-là. Par contre, on le sait, ça commence à se mettre en place, ce fameux terrain-là, pour cette fin de semaine. Alors, on a un petit peu de difficulté à rejoindre le directeur général présentement, mais laissez-moi le temps de vous faire écouter du Keith Urban et par la suite, on devrait discuter avec le pilote québécois Andrew Ranger. Alors, voici une de ses nouvelle pièce qui est Wasted Time et voici Keith Urban. The rain is coming down tonight. I'm smiling, looking at this photograph. I hear that song and I'm flying right back to when we had it made. Every Friday night when the sun went down, we'd be running them streets like we owned the town. And I just can't let it go. No, I just can't let it go. I wonder if you ever think about it like I do. Seven kids on a two-lane road, have the guns on the radio. After all this time, it still feels so good when I think about those summer nights, singing wasted time. Oh, that wasted time. I don't know where it slipped away. And the rope by the river hangs silently in the town that we knew ain't nothing like it used to be. I can't explain. They took all the color from the picture frame and the days got sold to the grit in the game. But I just can't let it go. No, I just can't let it go. I wonder if you ever think about it like I do. Seven kids on a two-lane road, we had the guns on the radio. After all this time, it still feels so good when I think about those summer nights, singing out the windows on the back road, sweet child of mine, sipping on the locos, sparkling light. Yeah. Ain't it funny how the best days of my life was all that wasted time. Time, Keith Urban, une de ses nouvelles pièces qui viennent tout juste de sortir. J'ai comme l'impression que c'est une des émissions où je vous sors le plus grand nombre de pièces qui viennent tout juste de sortir dans la dernière semaine. Ça vient de faire comme un gros boom sur les internets, comme ils disent, sur internet pour ce qui est dans le monde du country. Ça bouge beaucoup, mon Dieu. Ça, si jamais vous cherchez de nouvelles chansons, allez faire un tour sur Spotify. Clairement, vous allez avoir soit des pièces canadiennes ou des pièces américaines, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Ça bouge beaucoup de ce côté-là. Et il y a un autre côté où ça bouge beaucoup, c'est celui près du centre-ville de Trois-Rivières parce que, comme vous le savez, c'est un spécial Grand Prix de Trois-Rivières Rallycross aujourd'hui dans l'émission et j'ai au téléphone avec moi le pilote Andrew Ranger. Andrew, comment ça va? Ben, ça va très bien, toi, Tania? Ça va bien, merci. Comme je disais tout à l'heure aux auditeurs, je suis un petit peu, je peux pas dire triste parce que mon émission est le mercredi puis t'as sorti la nouvelle mardi, mais ça l'est sorti hier. Tu te joins encore à une équipe cette année en RX Light? Ben oui, écoute, j'ai eu une possibilité de faire du rallycross encore une fois cette année. Pour moi, j'étais pas sûr et puis finalement, on a été capable de faire une entente avec une équipe de course. Alors, très satisfait. L'an passé, on avait fini en troisième position. Mm-hmm. On avait été capable de faire la finale à la toute fin. Fait que c'était vraiment un bon spectacle. Et puis, de pouvoir revenir à Rallycross. Et puis, en plus, dans la série de side-by-side avec l'équipe de Bombardier Racing. Alors, ça va être vraiment de quoi un petit changement aussi. Puis, de quoi que je pense que je vais bien aimer. Deux grosses séries quand même, side-by-side, ça aussi, ça passe sur la même piste, ça va sauter dans les airs. Dis-moi, est-ce que le côté préparation est différent d'un week-end, mettons, NASCAR, parce que bien évidemment, c'est pas le même genre de tracé, là? Non, c'est vraiment pas le même genre de tracé. J'ai un petit peu une habitude à cause que j'ai fait du motocross mm-hmm. dans le passé, et puis la moto sur glace aussi. C'est un peu le même genre d'événement, si tu veux. T'sais, c'est vraiment le gaz au fond pendant 5-6 tours, la pression à côté, puis c'est vraiment pas la même chose en NASCAR. En NASCAR, on va jouer plus patience, tandis que dans ces catégories-là, c'est plus le gaz au fond du début à la fin. Alors, c'est vraiment de quoi de différent, mais que j'adore, et puis je pense que les fans, là, on va essayer de donner un bon show. Dis-moi, est-ce que ça va être ta première expérience en side-by-side? Oui, première expérience à side-by-side. J'en ai un. J'en fais beaucoup à la maison, à mon chalet. Puis, mais vraiment, compétitionner dans cette série-là, pour moi, ça va être une première. Et puis, dis-moi aussi, l'année dernière, tu coursais avec l'équipe AF Racing pour ce qui est du Rallycross Light. Cette année, est-ce qu'on revient avec la même équipe? Non, malheureusement, on revient pas avec la même équipe. J'ai entendu dire qu'eux autres se pointaient pas au Grand Prix Trois-Rivières cette année. Fait que c'est pour ça que je suis allé avec une autre équipe. Okay. Mais écoute, c'est quand même une équipe performante. Ils ont fini 1 et 2 l'année passée, juste devant moi. Fait que pour moi, ça va être quand même de quoi être bien. Je suis sûr d'avoir une bonne voiture. Et puis, on va essayer de bien faire pour ce Grand Prix. Puis, Andrew, dis-moi, c'est quoi le plus grand défi quand tu arrives dans un événement comme celui-là? Parce que, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas le même tracé. Vous sautez dans les airs, donc automatiquement, c'est pas le même genre de feeling. C'est quoi le plus grand défi lorsqu'on participe à un événement comme celui-là? Bien, je pense que c'est vraiment le point, le début à la fin. C'est le départ qui est vraiment arrêté. Mm-hmm. Et puis, les feux qui s'éteignent, on part les quatre le gaz au fond dans un virage avec seulement une ligne de course. Et puis, c'est vraiment, on se touche. Et puis, comme tu dis, on lève dans les airs, les quatre roues dans les airs, le gaz au fond. Et puis, faut pas oublier le tracé du Joker. Faut vraiment que tu prennes le détour au moins une fois durant l'épreuve. Et puis, quand est-ce que tu vas le faire? C'est tout des obstacles qui sont assez stressantes aussi. Et puis, qu'est-ce qui fait aussi un bon show vers la fin? Et puis, l'année dernière, comme tu le disais, ça s'est super bien passé pour toi. Troisième position. Est-ce qu'on a des attentes qui sont sensiblement pareilles cette année? Ben écoute, c'est sûr qu'on a fini sur le podium l'an passé. On va essayer de bien faire aussi cette année. Mais tu sais, faut pas oublier, c'est une voiture que je connais pas énormément. Mm-hmm. Une, encore une nouvelle équipe pour moi. Fait que c'est toutes des affaires qu'il va falloir que j'apprenne aussi. Mais en côte à côte, je pense qu'on va être capable de bien faire aussi avec l'équipe de Bombardier. Ils ont fini avec le nouveau Maverick 1000. Alors, ça va être quoi de nouveau, mais avec un challenge que je pense que je vais être capable de faire. Et tu parles de nouvelles voitures. Est-ce que tu as eu un temps de pratique? Parce que là, on a sorti la nouvelle hier. Ça va courser samedi. Dis-moi, est-ce que t'as-tu un temps de pratique pour ça? En compte à compte, on a eu le temps d'aller tester un petit peu avec l'équipe Bombardier. Okay. Mais vraiment, le rallycross, comme toujours, aucun test, ça va être dans la voiture, le gaz au fond. Fait que c'est un peu de même, ça fonctionne. C'est sûr, dans le passé, j'ai déjà roulé à Sherbrooke avec ces voitures qui se ressemblaient aussi. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait du dirt aussi en modifié. Fait que je suis capable de me débrouiller quand même bien. Mais encore une fois, ça va être un autre départ. Et pour ceux qui nous écoutent, à qui ça va être leur première expérience cette fin de semaine pour ce qui est du rallycross, est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça se passe, justement, un départ de rallycross? Mais écoute, le départ de rallycross, c'est un départ vraiment qui est arrêté. On est toutes les quatre sur la même ligne de départ et puis on attend les feux qui s'éteignent. Un coup qu'on départ, qu'on accélère, c'est vraiment les quatre pilotes qui vont faire dans le virage numéro un côte à côte. Et puis, ça va être le premier qui arrive le plus vite qui va sortir à l'avant. Mais l'habitude, là, c'est vraiment, là, la tension est là, le feeling, on est là, puis... C'est vraiment stressant, mais je pense que c'est ça qui fait l'amour du rallycross. Ben justement, ce fameux stress-là, il doit être un petit peu différent des séries qu'on connaît habituelles. Ah, ben écoute, en NASCAR, on arrive tout à... Premièrement, c'est un départ qui est lancé. Mm-hmm. On est 35 pilotes qui suivent un en arrière de l'autre. Alors, c'est un petit peu plus relax, mais c'est un autre genre de type de départ. C'est vraiment pas la même chose. Mais écoute, je pense que les deux sont aussi stressants. Mais quand tu compétitionnes pas, quand t'es là temps partiel dans une série, c'est toujours un peu plus stressant là-dessus. Et bien, on te souhaite la meilleure des chances pour cette fin de semaine, que ce soit en side-by-side ou encore en RX Lite. Pour toi, tu t'attends à quoi un petit peu en side-by-side? Ben, side-by-side, l'habitude avec l'équipe, c'est le Bombardier, sont assez rapides. Mm-hmm. On a fait une couple de tests et puis je pense que ça devrait bien aller. Mais c'est un nouveau bolide pour moi. Une série que j'ai jamais fait, fait que j'ai pas énormément d'attente. Okay. Mais normalement, je réussis à tirer mon épingle du jeu puis de faire le quoi de bien. Fait qu'on va travailler fort pour la fin de semaine. Ben, on te souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler cet après-midi. Bon, ben, merci beaucoup, Tania. Merci. Alors, comme le disait Andrew Ranger, c'est un petit peu différent que ce soit en side-by-side ou en RX Lite. Vous le savez, c'est un tracé qui est complètement différent. Il y a de la terre, les gars vont sauter dans les airs. Donc, automatiquement, le côté spectacle pourrait s'avérer être un petit peu plus spectaculaire de ce côté-là. J'espère que pour certains, vous allez y être parce que c'est vraiment quelque chose à voir, quelque chose à vivre. Vous allez vraiment pouvoir avoir la chance aussi au Grand Prix de Trois-Rivières de pouvoir vous promener à travers les enclos et pouvoir discuter avec que ce soit les pilotes, que ce soit les mécanos. Vous allez voir, c'est très, très, très accessible ici à Trois-Rivières. Alors, au retour de la pause, on discute. Oui, OK, c'est beau. Le Grand Prix de Trois-Rivières va être là en fin de semaine, mais qu'est-ce qu'il y a à faire justement au Grand Prix de Trois-Rivières en fin de semaine? Alors, tout ça après la pause. C'est assez fou. 89.1. I was hitchhiking, walking neath the beating sun, no love. Till that purple bus of love pulled up. They said, hey, bro, looks like you could use a ride. Yeah, we took us a vote. We think you should drive. Because we're feeling kind of loaded. Not sure just where this trip is going. But probably somewhere on the water, torch in the sand. Just might never, ever come back from this. High up, side down. So we ate Doritos and on we drove. The only hippie not token was a girl named Flo. A groovy little smile, she really lit me up. She said, I'm looking for truth, but I'd be happy with love. And we were feeling kind of loaded. Not sure just where that trip was going, but probably somewhere on the water, torch in the sand. We just might never ever come back from this. High up, side down. Up, up, up like two. Stay right here, up in the clouds. This high upside down. Hey. And we were feeling come back from this high up side down. Found a carnival out on a seaside pier. We shared a chilling dog with cheese and an ice cold beer. The smoke was wearing off, we were losing the rush. Then she kissed me on the Ferris wheel and we went back up. Like two balloons. Oh, yeah. It's so fun hanging with you. I just want to stay right here. On est de retour à En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de Cifou 89.1 FM. On est ensemble pour... il reste pas beaucoup de temps à l'émission. On est vraiment dans le dernier segment de l'émission. Et vous venez d'entendre Dean Brody avec la pièce Upside Down. C'est une pièce que j'ai fait découvrir à certains la semaine dernière, mais je me disais qu'elle devait revenir dans l'émission parce que c'est tellement ensoleillé cette chanson-là. Alors, pourquoi pas vous la faire jouer aujourd'hui dans le cadre de l'émission spéciale Grand Prix de Trois-Rivières Rallycross. Et un petit peu plus tôt dans l'émission, je vous disais aussi qu'on allait discuter avec le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominique Fugère, mais je vous ai aussi dit que c'est quand même assez difficile de mettre la main sur Dominique ces temps-ci parce que ça bouge beaucoup du côté du terrain de l'expérience pour justement tout mettre en place pour en fin de semaine. Alors, on a tout simplement décidé de m'envoyer un de ses chers acolytes, qui est Jean-Michel Leroy, qui est au téléphone avec moi. Jean-Michel, bonjour! Bonjour, Tania, ça va? Ça va très bien, merci. Jean-Michel, pour ceux qui savent peut-être pas nécessairement qui vous êtes, présentez-vous, s'il vous plaît. Oh là là, je suis un vieux journaliste de sport automobile, spécialisé en endurance, puisque j'habite au Mans. Dans le Maine, mais pas le Maine à côté de chez vous, dans le Maine en France, où il y a les 24 heures du Mans, c'est ma spécialité, et puis évidemment le rallycross, dont j'ai suivi l'évolution depuis en gros une trentaine d'années maintenant, voilà. Et puis je viens rendre visite à mes amis canadiens, où j'ai beaucoup d'amis ici. Ben oui, vous venez tout juste de débarquer de l'avion. On a réussi à vous attraper vraiment tout de suite après votre vol. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Jean-Michel, justement, vous dites que vous êtes spécialisé rallycross cette fin de semaine. C'est la fin de semaine rallycross. À quoi est-ce que vous vous attendez, vous, personnellement, de ce week-end-là? Bon, depuis trois ans, on assiste à une énorme montée en puissance de cette discipline, qui est devenu champion du monde grâce à Trois-Rivières, faut le dire, parce que si Trois-Rivières n'avait pas organisé une épreuve de championnat de rallycross, ça serait resté champion d'Europe. Et comme c'est sur un autre continent que l'Europe, la FIA a pu donner le label champion du monde, et c'est très important. Depuis trois ans, on le voit. Moi, j'habite pas très loin de l'OEAC, qui était considéré comme le plus grand rallycross du monde. Il y a à l'OEAC, par exemple, le samedi et le dimanche, il y a entre 100 et 110 000 spectateurs sur les deux jours, sur un circuit qui est grand comme à peu près celui de Trois-Rivières. Donc, il y a une montée en puissance extraordinaire. Même chose, par exemple, en France, pour le championnat de France, où là, c'était à Carlabeau, dans l'ouest de la Bretagne, où il y avait 150 engagés pour le championnat de France, avec une arrivée de jeunes. Et ça, tout ça, c'est grâce à ce label championnat du monde qui tire la discipline vers le haut. Et on voit bien comment partout, sur les retransmissions télévision, ça fait un buzz extraordinaire. Ah oui, définitivement. Et dites-moi, pour les pilotes qui arrivent ici en fin de semaine, est-ce qu'il y a un défi qui est supplémentaire que celui lorsqu'on est simplement en Europe? Ben, déjà, c'est assez spécifique, le circuit. Il est de la vie de tout le monde. Le circuit est magnifique, ça va vite, ça va très vite. Un pilote d'auto, dans quelque discipline que ce soit, qu'il veut, c'est mettre les chevaux, mettre la puissance, faire plaisir. Et là, il y a toute cette partie bitume de Trois-Rivières qui est extraordinaire. Et pour ceux qui ont vu déjà l'an dernier, il y a deux ans, la discipline, c'est extraordinaire. On a, bon, il y a deux ans, beaucoup de slow. Peut-être un peu moins, mais c'est peut-être pas un mal. C'est un circuit parfaitement mixte qui combine ici à Trois-Rivières la terre et le bitume, ce qui veut dire que ça c'est formidablement spectaculaire. Et je crois que tous ceux qui l'ont vu une fois, ils font le maximum pour revenir, quoi. Et vous connaissez très bien le sport, vous connaissez les pilotes, vous baignez là-dedans, ça fait vraiment beaucoup d'années. On peut en fait quasiment dire que c'est grâce à vous que le rallycross est à Trois-Rivières, n'est-ce pas? Que le rallycross est arrivé à Trois-Rivières, ouais. On s'est passé. On a le temps de raconter l'histoire, c'est assez rapide. Hein. Ben oui, certainement. J'étais avec Martin Ayani il y a 3 ans, qui était qui était le promoteur IMG. Mm-hmm. Et c'était à Louillac. Et il n'y avait pas le label championnat du monde, il y avait le label championnat d'Europe. Je discute avec Martine, avec mon anglais approximatif, vous savez, je suis un maudit français qui m'a dit l'anglais à moitié, moi. Mais bon, on se débrouille, on s'entend, on s'écoute, et il me dit, il nous faut une course sur un autre continent, parce que la Turquie, on n'est pas sûr que ça reste, etc. Il me dit, les États-Unis, on peut pas. Je dis, bon, bah non, les États-Unis, vous pouvez pas, mais il y a possibilité, par exemple, au Canada et à Québec, de faire un circuit, quoi. Il me dit, bah non, je connais personne. Ben, il me dit, bah, moi, je connais quelqu'un. Et je connaissais Dominique parce que on avait travaillé quelques fois ensemble sur les grands prix de Formule 1. Il venait chez moi aux 24 heures du Mans quand Jacques Villeneuve roulait. Donc, voilà, on se connaissait. Et en très peu de temps, on a réussi, mais grâce à Google, grâce à la bonne volonté, grâce à des gens extraordinaires, de mettre en place un circuit de rallycross. Et en très peu de temps, ça s'est mis en place à Trois-Rivières. Souvenez-vous, la première année que ça a eu lieu, j'étais dans la voiture le samedi matin avec Dominique. Oui. Et je lui dis, ben, si ça marche pas, parce qu'on n'avait même pas encore l'autorisation officielle de la FIA, mm-hmm. ça pouvait s'arrêter. Et là, je lui ai dit, si ça marche pas, de toute façon, je vais rentrer à la nage. Ça a bien fait rire les gens, mais c'était tout à fait ça. Ça s'est passé dans ces conditions-là. En tout cas, chapeau aux organisateurs, chapeau à tous les bénévoles, chapeau à cette extraordinaire mobilisation, parce que pour tout vous dire, un peu partout dans le monde, je vais souvent dans des rallycross, une mobilisation comme ça et une telle quantité de travail, ça se voit pas souvent. Ah, oh, bien, merci beaucoup. On va essayer de transmettre les bons mots à l'organisation, on devrait y arriver. Oui, on devrait y arriver. Jean-Michel, dites-moi, pour ceux qui connaissent un petit peu peut-être moins les pilotes, cette fin de semaine, c'est vraiment les pilotes européens qui débarquent ici en ville. Qui est-ce qu'on doit garder à l'œil? Bon, en tant que Français, évidemment, il y en a un que je chéris particulièrement dans mon cœur, c'est Sébastien Loeb, qui a dû être 9 fois champion du monde de rallye, mm-hmm. Qui est un pilote extraordinaire, qui a fait Le Mans, qui fait deuxième au Mans, qui est le monument du sport automobile en France, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a évidemment, il y avait notre ami Peter Sandberg, oui. qui a gagné la première édition ici, qui est pas loin de la tête du champion du monde en ce moment. Il y a tous les jeunes, comme Bakerid, Nitis, il y a toute une génération qui arrive, de jeunes de 22, 23, 24 ans. Il y aura de toute façon des bagarres somptueuses, parce que entre Peugeot, Ford, Citroën, tout le monde veut se battre et tout le monde veut l'emporter à Trois-Rivières. Et vous, personnellement, lorsque vous arrivez à Trois-Rivières, qu'est-ce qui vous surprend le plus de cet événement-là? Ce qui me surprend le plus, moi, vous savez, je suis de l'ouest de la France, ce qui me surprend le plus, c'est la gentillesse extraordinaire de l'accueil, mais à tous les niveaux. Et puis bon, c'est un circuit auquel on n'est pas du tout habitué, quoi. Mm-hmm. Les installations qui sont des installations somptueuses. Je pourrais vous dire aussi, quelquefois, l'accent de Dominique Fugère, mais ça je ne le dirai pas à la radio. Ah non, hein? Eh bien, Jean-Michel, on vous souhaite la meilleure des chemins pour vous rendre ici jusqu'à Trois-Rivières. Je sais que vous êtes quelque part entre Montréal et Trois-Rivières présentement. Oui, on sort de Montréal, là. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances dans le trafic. Oui, j'ai un excellent conducteur. Et merci beaucoup, on se revoit cette fin de semaine. Merci, au revoir. Merci. Alors, Jean-Michel Leroy, on le disait, un journaliste de carrière remarquable. Si jamais vous êtes du côté du Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine et vous voulez parler avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de vécu du côté du journalisme ou qui s'y connaît comme un petit peu une bible du monde du rallycross, eh bien, cherchez Jean-Michel Leroy. Je suis persuadée que vous allez pouvoir mettre la main dessus durant le week-end et qu'il va se faire un plaisir de vous transmettre son vécu. C'est un homme qui qui adore discuter justement de cette discipline-là qui est le rallycross. Il le disait lui-même, il y a plusieurs pilotes qui arrivent ici cette fin de semaine et qui sont remarquables. Alors, gardez un œil sur certains de ces pilotes-là. Pour d'autres, ça va être de garder à l'œil aussi ce fameux Ken Block qui va être ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières durant la fin de semaine. Et un petit peu plus tôt, je vous disais qu'est-ce qui se passe justement à Trois-Rivières lorsque c'est le fameux spécial Grand Prix de Trois-Rivières, spécial rallycross. Qu'est-ce qui se passe en ville exactement? Eh bien, on va tout de suite commencer avec qu'est-ce qui va se passer sur la piste. On a plusieurs épreuves. C'est pas simplement le rallycross et le RX Lite qui va être là, ni le side-by-side, sachez-le. On a de la Formula Drift Canada, alors le fameux championnat de Formula Drift Canada qui débarque. Bien évidemment, le championnat du monde de rallycross aussi qui débarque, mais RX Lite. On a aussi la Super Moto AMA. Ça, c'est vraiment une nouveauté cette année. On a décidé de, vu qu'on montait déjà des buts de sable pour les gens qui allaient courser en rallycross et en RX Lite, on s'est dit pourquoi pas mettre des motos. Et on a comme cette impression aussi que ça va amener peut-être une clientèle plus jeune et une clientèle différente. Donc, c'est vraiment un week-end extrême cette fin de semaine. On va avoir justement, comme je disais, de la moto, du side-by-side, comme le disait Andrew Ranger. Alors, un autre pilote à surveiller durant le week-end, ça va être de surveiller Andrew Ranger qui va rouler en side-by-side et en RX Lite. Et ça, on vous parle vraiment de l'horaire de la journée. Alors, ce sont vraiment les séries qui vont être durant tout l'horaire de la fin de semaine, que ce soit samedi ou que ce soit dimanche. Mais sachez aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent sur la piste ou aux côtés de la piste durant cette fameuse fin de semaine-là. Sur l'heure du dîner, je veux pas perdre la date exacte, mais le samedi 6 août, sachez qu'il y a un gros pool party organisé par Monster Energy à la piscine de l'exposition. Alors, si vous êtes sur le terrain, bien évidemment, pour l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières, eh bien, sachez que Monster Energy a un pool party! Wouhou! Ça va être le fun. Pour ceux qui vont avoir chaud, ben, vous allez pouvoir vous rafraîchir à ce moment-là. Il va aussi y avoir le combat des pros en moto. Du côté de dimanche, pardon, il va y avoir une session d'autographes avec tous les pilotes de Rallycross et RX Lite. On parle aussi de toutes les finales de la journée. Et si on discute centre-ville, parce que bien évidemment, on le sait, lorsque le Rallycross ou lorsque le monde du Grand Prix de Trois-Rivières décide de prendre possession de la ville de Trois-Rivières au grand complet, on fait pas ça à la moitié, ça se fait vraiment dans son entièreté et c'est fait d'une façon merveilleuse. Alors, vendredi le 5 août, les festivités au centre-ville commencent. DJ, parade de rallycross, on a le Grand Prix virtuel qui va être là avec les séances d'autographes des pilotes de rallycross et RX Lite. On parle aussi de freestyle motocross au port de Trois-Rivières. On va avoir bien évidemment pour ceux que ça intéresse et je pense que c'est une nécessité là. On peut pas passer à côté, mais les filles Monster Energy vont être au centre-ville de Trois-Rivières. On a DJ encore une fois et un spécial de Alcoholica de 9h à 10h30 du côté du port de Trois-Rivières. Par la suite, samedi le 6 août, eh bien, on a encore d'autres DJ à partir de 16h en ville. On parle encore une fois de Freestyle Motocross. On parle des filles de Monster qui vont être de retour. Punk Rock High à 20h au port de Trois-Rivières va être là samedi soir. Après ça, on retourne avec du Freestyle Motocross. Et Radio va être en spectacle de 9h30 à 11h samedi le 6 août. Manquez pas ça, Radio. Tout le monde tripe là-dessus. Radio, c'est bon. Nous, on en fait jouer plusieurs fois. Si vous écoutez C'est fou 89.1 assez régulièrement, bien, vous pouvez très bien entendre Radio dans certaines de nos publicités et que ce soit dans notre playlist habituelle aussi. On aime ça. Ils ont déjà joué au show de la rentrée. Ils ont déjà joué au show caché. C'est fou. Alors, Radio va être du côté du centre-ville le 6 août à 9h30 jusqu'à 11h. Et il y a aussi ces fameux parties, les after parties officielles de Monster Energy 5 août. Bien évidemment, à partir de 11h, c'est Euro Karaoke qui va être du côté de l'industrie, donc le DJ. Et le 6 août, c'est DJ Hilo et Trasbin du côté du temple. Alors, sachez-le, ça se passe soit à l'industrie ou au temple pour les after parties Monster Energy durant le week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est simplement le premier week-end. Il y en a deux. Alors, si vous trouvez qu'il y a déjà pas mal d'affaires à faire ce week-end, imaginez deux semaines complètes. C'est si plaisant. J'espère que vous avez aimé le premier spécial Grand Prix de Trois-Rivières Rallycross. Sachez que C'est fou 89.1 FM va être sur place durant tout le week-end. Entre autres, En piste avec Tania Baudin va faire des émissions d'avant-course. Donc, si jamais vous êtes soit en onde ou vous êtes sur le terrain, bien, vous allez avoir l'opportunité de nous écouter le matin. On ne sait pas encore l'heure. Je vous promets que je vais vous faire savoir tout ça sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin. Sachez aussi que j'ai une surprise pour vous. Ça va sortir dans quelques instants sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin. Mais ces fameux gilets, ces fameux chandails que tout le monde m'a demandé de ramener, eh bien, sachez qu'ils sont de retour. Et ils seront de retour probablement cette fin de semaine du côté de Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, pour toutes les informations, allez sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin. Nous, on se laisse avec une pièce de Trent Harmon qui s'appelle There's a Girl. Et par la suite, à 15h, eh bien, c'est le Mathieu Plancho. Alors, restez à l'antenne. Et pour tous ceux qui se disent « Oh non, c'est déjà la fin », eh bien non, soyez des nôtres en fin de semaine sur les ondes de C'est fou 89.1 FM pour suivre toute l'action du Grand Prix de Trois-Rivières. Bonne semaine tout le monde! There's a girl somewhere in Tupelo who's with a guy she barely knows, would probably sell his soul for a kiss. There's a girl somewhere in Arkansas who's talking with a southern drawl, and a guy who can't stop staring at her lips. And ain't it crazy how they make us all so crazy? Why would we drive 600 miles one way, blow through cash that we ain't made, get tattooed and wash our trucks, push and press our love? Why would we ask when we know we can dance, show our hands and change our plans, lose our minds, break our hearts, and learn to play guitar? Why does any man do anything in the whole damn world? 'Cause there's a girl, 'cause there's a girl, somewhere with eyes so blue, no call just won't do. So here I am on Highway 45, first girl to get me to ask myself how I'd been with anyone else any other minute of my life. Ain't it something how they get us doing something? Should we ain't made, get tattooed and wash our trucks, push and press our love? Why would we ask when we know we can dance, show our hands and change our plans, lose our minds, break our hearts, and learn to play guitar? Why does any man do anything in a whole damn world? 'Cause there's a girl. That we ain't made, get tattoos and wash our trucks, push and press our love. Why would we ask when we know we can dance, show our hand and change our plan, use our minds, break our hearts, learn to play guitar? Why does any man do it in the whole damn world? 'Cause there's a girl.